بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو استقبال القبلة. Nouveau chapitre qui est le fait de faire face à la Qibla lors de la salat, qui est également une des conditions de la salat. Auparavant, on a pris la tahara, la purification. Après, on a pris l'entrée du temps, le temps de la salat. Et là, on prend également parmi ces conditions le fait de faire face à la Qibla. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: قبلة المسلمين هي الكعبة، وقد فرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة. Que justement, la direction à prendre des musulmans, c'est la Kaaba. Et qu'Allah l'a rendu obligatoire, cela lors de la deuxième année de l'hijra. حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة وخمسة أشهر سنة وخمسة أشهر أو أربعة إلى البيت المقدس. ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. Que du fait que le Nabi صلى الله عليه وسلم, justement, lorsqu'il était à Medina, il a fait la salat durant un an et cinq ou quatre mois, se dirigeant vers Beit al-Maqdis, qui est en Palestine. Ensuite, il lui fut ordonné de se diriger vers la Kaaba. Comme a dit le Ta'ala, « Quand nara taqallub wajjika fi s-sama, falanuwalliyannaka kibratan tardaha, fawalli wajjaka shatara al-masjid al-haram, wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara. » Que dans le sens où elle a dit, nous voyons que tu tournes ton visage vers le ciel, nous allons t'accorder une direction que tu agrées. Donc tourne ton visage vers le Masjid al-Haram, c'est-à-dire Mecca, et où vous soyez, tournez vos visages vers lui, c'est-à-dire vers ce Masjid. فاستقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدها أو مشاهدها أو جهتها لمن لم يك أو جهتها لمن لم يمكنه فرض لا تصح الصلاة إلا به إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه وفي السفر وفي النفر خاصة. Donc justement, le fait de faire face à la Kaaba, pour celui qui peut, cela est obligatoire. Et le fait de se tourner vers elle, dans sa direction, cela est obligatoire pour celui qui ne peut la voir. Et que la salat n'est valide que par l'une de ces conditions-là. Hormis dans celui qui ne peut pas, comme par exemple quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui est dans une grande peur, qui ne peut pas faire ça sur la Qibla, car l'ennemi messalène pourrait le nuire ou autre, que cela y a un danger, ou en voyage, comme cela va venir, Inch'Allah, sur la monture, sur le salat surrogatoire. À ce moment-là, il est permis de ne pas se tourner vers la Qibla. Yaqulu fil hadith al-khamis wa sittin, 65e hadith. An Abdillah ibn Omar, radiallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان يسبح على الظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمى برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يؤثر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة والبخاري إلى الفرائض. Donc selon Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait sa salat surrogatoire sur sa monture, où que soit son visage, ça veut dire en n'importe quelle direction. Et il baissait la tête, il inclinait sa tête, c'est-à-dire pour faire le recours à la soujoud. Il inclinait sa tête. Et Ibn Omar le faisait également. Et dans une version, qu'il allait yusiru ala ba'iri. Et dans une version, qu'il ne faisait que... qui ne faisait pas les salats obligatoires sur cette monture. Wa Yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rawi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sabaqat tarjamatuhu fi al-hadith raqm 13. Donc le rapporteur Abdullah ibn Umar, sa tarjama a été citée dans le 13e hadith. Yaqul mawdu' al-hadith bayan ma yastaqbiluhu al-mutanaffil bi salat hal al-safar. Donc maintenant le sujet du hadith est de montrer vers où doit se tourner celui qui fait une salat surrogatoire alors qu'il est en voyage. C'est ça le hukm du hadith, le jugement du hadith, plutôt le sujet du hadith. Yaqulu fi sharh al-ijmali, l'explication globale, min tamam hikmatillahi ta'ala wa rahmatihi annahu lamma shara'a al-ibadi tatawwu' bima zada 'an al-farida سهل عليهم في ذلك غالبا ترغيبا لهم في فعلها والاكثار منها. Donc, parmi la, justement, ce qui montre, complète encore plus la sagesse d'Allah, Azawajel, sa grande miséricorde, c'est que lorsqu'il a rendu légiféré à son serviteur de faire des actes surrogatoires, c'est-à-dire qu'ils sont en plus des actes obligatoires, il lui a facilité cela, afin de pouvoir justement lui donner envie d'agir, pour ne pas que ce soit lourd pour lui, et qu'il en fasse le plus possible. وفي هذا الحديث مثال من ذلك حيث يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على راحلته حيث كان وجهة سيره. Donc justement, le عبد الله بن عمر nous raconte que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait sa surrogatoire en voyage sur sa monture, quelle que soit la direction qu'elle prenait. ويؤمئ. نعم يؤمئ. Tout à l'heure, je dis يؤمئ, c'est يؤمئ. ويؤمئ برأسه في الركوع والسجود لا يتكلف النزول إلى الأرض ليركع ويسجد ويستقبل القبلة. Et il disait justement que le Nabi Salam baissait sa tête pour le recours au sujoud. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous font, par erreur, c'est on incline avec le torse. Ce n'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est juste la tête. Tu baisses ta tête pour le recours et tu la baisses un petit peu plus pour le sujoud. Mais ton buste reste tel qu'il est. Il n'a pas besoin de le faire descendre lui aussi. Et cela pour ne pas qu'il ait à s'imposer le descendre de sa monture pour se prosterner ou s'incliner ou pour faire face à la qibla. Il le fait sur sa monture. أما الفريضة فكان لا يصليها عليها لقلتها ولأنها أوكد من النوافل. Et du fait que la farida, la salat qui est obligatoire, il ne la faisait pas sur sa monture. Du fait déjà qu'elles ne sont pas nombreuses et qu'elles sont plus importantes que les surrogatoires. Car elles sont des piliers de l'islam. يقول في فوائد الحديث سلمان أتشل الحديث مشروعية صلاة النافلة في السفر إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها. Qu'il est légiféré de faire salat nafila, surrogatoire, en voyage. Hormis les salats qui sont rawatib, qui sont liés aux salats obligatoires. Celles-ci, comme le dhuhr, le maghrib et le isha, les salats qui sont liés à celles-ci, surrogatoires, ne sont pas à faire. Même la sunna, de ne pas les faire. Celles qui sont permises, c'est le doha, les deux rakats du fajr, et le witr. Et le witr. Salat de nuit. Thaniyan, anna mutanafal bi salati fi safar, yastagbil jihad siri. ويؤمن في الركوع والسجود ويجعله أخفض من الركوع. Et que celui qui fait salat surrogatoire en voyage, c'est-à-dire qu'il est sur sa monture, il n'a pas à se tourner vers la qibla, ce n'est pas obligatoire pour lui. Et il baisse sa tête pour le recours et il la baisse un peu plus pour le sujoud. ثالثا جواز التنافل بالصلاة حتى الوتر على راحلتي في السفر. Qu'il est permis de faire la salat surrogatoire sur la monture en voyage, même celle du witr. Rabi'an, an al-farida la tusalla ala rahila, et que les salats obligatoires, elles ne sont pas accomplies sur la monture. Khamisan, kamal rahmatillahi bi takhfif an-nawafil ala al-ibad li yarghabu fiha wa yukthiru minha. Qui montre la perfection de la miséricorde d'Allah en minimisant, en rendant léger justement les actes obligatoires pour les serviteurs, afin de les motiver et de l'inciter à en faire plus. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.